Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah. Iqraran bihi wa tawhida. Wa ashhadu anna muhammadan abdullahi wa rasuluh. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Bienvenue à tous, حياكم الله على طاعتي. Donc on continue l'explication des paraboles du Coran. Hier, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons vu deux paraboles. Et donc aujourd'hui, on va continuer sur notre lancée avec deux autres paraboles. La première se trouve dans le verset 14 de Sourate Ar-Ra'd, donc de Sourate le Tonnerre. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. الله سبحانه وتعالى il dit dans la traduction: rapproché à lui seul revient l'appel de vérité. Ceux qu'ils invoquent en dehors de lui ne leur répondent d'aucune façon. Les polythéistes sont semblables à celui qui tend ses mains vers l'eau et l'invoque afin qu'elle parvienne d'elle-même à sa bouche, alors qu'elle n'y parviendra jamais. L'invocation des mécréants n'est que perte. Dans cette parabole, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe à propos des polythéistes et de leurs invocations. Donc au début de ce verset, Allah il dit, selon la traduction rapprochée, à lui seul revient l'appel de vérité. C'est-à-dire, c'est lui seul qui mérite d'être invoqué. Que ce soit une invocation de demande ou une invocation d'adoration. Car les savants, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse miséricorde, nous disent que l'invocation est de deux types. La première catégorie, c'est l'invocation de demande. Et elle consiste tout simplement à demander quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, tel que la guérison, ou bien la subsistance, ou bien autre chose. Et la deuxième catégorie, c'est l'invocation d'adoration. Et elle consiste tout simplement à vouer une adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et toutes les adorations rentrent dans cette catégorie, telles que la prière, le pèlerinage, le jeûne, la zakat, la confiance d'Allah subhanahu wa ta'ala, la crainte d'Allah et toute autre adoration. Et cette catégorie a été appelée invocation car lorsque le serviteur il fait une adoration, il veut par son biais qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Et il veut qu'Allah subhanahu wa ta'ala le fasse rentrer au paradis et l'écarte de l'enfer. Et ceci est valable pour toutes les adorations que fait le serviteur. Donc dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, lahu da'watul haqq. À lui seul revient l'appel de vérité. Cela englobe les deux catégories d'invocation. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit selon la traduction, ceux qu'ils invoquent en dehors de lui ne leur répondent d'aucune façon. C'est-à-dire qu'ils les invoquent pour quelque chose d'ici-bas, ou bien de l'au-delà, ou qu'ils les invoquent pour une chose simple, ou pour une chose difficile, ils ne leur répondront d'aucune façon. Ils ne leur répondront d'aucune façon. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, selon la traduction rapprochée, les polythéistes sont semblables à celui qui tend sa main vers l'eau et l'invoque afin qu'elle parvienne d'elle-même à sa bouche alors qu'elle n'y parviendra jamais. C'est-à-dire que les polythéistes, lorsqu'ils invoquent leurs divinités qui sont incapables de leur répondre et de leur être profitables, ils sont semblables à une personne qui se trouve à l'extrémité d'un puits et qui tend ses mains alors que l'eau se trouve très loin de lui. Et en plus de cela, il invoque cette eau afin qu'elle parvienne d'elle-même à sa bouche. Il est donc impossible que l'eau arrive à sa bouche, tout comme il est impossible que ceux que les polythéistes invoquent répondent à leurs invocations. C'est pour cela qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 14 de sourate Fatir, donc sourate le Créateur, « In tad'uhum la yasma'u du'a'akum » وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 14 de sourate le Créateur, selon la traduction rapprochée, si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre invocation. Et même s'ils entendaient, ils ne sauraient vous exaucer. Au jour de la résurrection, ils renieront votre polythéisme. Nul ne peut mieux t'informer que celui qui connaît toutes choses. Et dans Surat Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne une autre parabole à propos des mécréants. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 18 de sourate Ibrahim, مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit selon la traduction rapprochée, les œuvres de ceux qui ne croient pas en leur Seigneur sont semblables à de la cendre qu'un vent violent emporte par un jour de tempête. Ils ne tireront aucun profit de ce qu'ils ont acquis, tel est le profond égarement. Donc dans cette parabole, verset 18 de Sourate Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe à propos des œuvres des mécréants qu'ils font dans cette vie d'ici-bas, en prétextant ou en prétendant qu'elles seront bénéfiques pour eux le jour du jugement. Et pour nous montrer qu'elles ne valent rien et n'ont aucun poids, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit qu'elles sont semblables à des cendres qu'un vent violent emporte par un jour de tempête. Et comme vous le savez, les cendres font partie des choses les plus légères. Et donc, après qu'elles soient emportées par un vent violent, il ne reste plus rien. Tout comme les œuvres des mécréants dans l'au-delà. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il certifie que les mécréants ne tireront aucun profit de leurs actions dans l'au-delà en disant, selon le sens, ils ne tireront aucun profit, c'est-à-dire le jour du jugement, c'est-à-dire Yom al-Qiyama, le jour du jugement. Ensuite, il dit, selon le sens, de ce qu'ils ont acquis, c'est-à-dire de ce qu'ils ont fait comme bonnes actions. Le jour du jugement, ils ne trouveront aucune trace des œuvres qu'ils ont faites dans la vie d'ici-bas, que ce soit en termes de récompense ou en termes de diminution du châtiment, car ils n'ont pas œuvré pour Allah subhanahu wa ta'ala, car ils n'ont pas œuvré pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc après avoir fait l'explication de ces deux paraboles, nous allons mentionner certains enseignements qu'on tire. Donc le premier enseignement qu'on tire de ces deux paraboles, il y a dans ces paraboles un procédé du Coran pour appeler à l'unicité dans l'adoration. En effet, dans le Coran, nous trouvons de nombreux procédés qui appellent à l'unicité dans l'adoration. Parmi ceux-ci, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que ceux qui adorent autre que lui sont des égarés ou dans un profond égarement. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans le verset 18 de Sourate Ibrahim, après avoir évoqué que leurs œuvres sont semblables à des cendres qu'un vent violent emporte, il dit « Dhalika huwa ad-dalalul ba'id » tel est le profond égarement. Et le but de ce procédé est d'attirer l'attention du serviteur sur le fait que le mécréant, ou plutôt que les mécréants, ont été appelés de la sorte lorsqu'ils ont voué leurs adorations pour autre qu'Allah. Mais s'ils auraient voué leurs adorations pour Allah seul, ils n'auraient pas été appelés de la sorte. Et d'un autre point de vue, le polythéisme, c'est l'adoration d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le polythéisme, c'est l'adoration d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que le tawhid, l'unicité, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans rien lui associer. Et il n'y a pas de mal ici que l'on mentionne d'autres procédés du Coran dans l'appel à l'unicité de l'adoration. Parmi eux, il y a la mise en évidence des défauts des divinités des polythéistes, tels que leur incapacité, leur pauvreté, qu'ils ne peuvent pas se défendre, qu'ils ne peuvent pas entendre les invocations de ceux qui les invoquent. Allah subhanahu wa ta'ala Par exemple, il dit dans le verset 191 à 194 de Surat al-A'raf, أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, lui associe-t-il des idoles qui ne créent rien et sont elles-mêmes créées et qui ne sont d'aucun secours ni pour leurs adeptes ni pour elles-mêmes? Si vous les appelez vers la guidée, elles ne vous suivront pas. Il est égal que vous les appeliez ou que vous gardiez silence. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne sont que des créatures comme vous. Invoquez-les donc et qu'ils vous exaucent si vous êtes véridique. Tout ceci pour montrer que seul Allah subhanahu wa ta'ala mérite seul l'adoration. Et parmi les procédés, il y a aussi l'illustration de ce qui va se passer le jour du jugement entre les polythéistes et leurs divinités, et entre les suiveurs et les meneurs, comme désaveu et animosité. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 37 et 38 de Surat al-A'raf, فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. Allah subhanahu wa ta'ala, donc il dit selon la traduction rapprochée, qui est plus transgresseur que celui qui forge un mensonge contre Allah ou dément ses versets? Ceux-là obtiendront la part de ce bas monde qui leur est écrite jusqu'au moment où nos envoyés viendront à eux pour retirer l'âme et leur demanderont où sont ceux que vous invoquez en dehors d'Allah. Ils répondront, ils nous ont abandonnés, et ils témoigneront contre eux qu'ils étaient mécréants. Allah leur dira, entrez en enfer avec vos semblables, des communautés de djinns et d'hommes qui vous ont précédé. Chaque fois qu'une communauté entrera, elle maudira celle qui l'aura précédé, jusqu'à ce qu'elles y soient toutes rassemblées. La dernière arrivée dira alors de la première, Seigneur, voilà ceux qui nous ont égarés, inflige-leur donc un double châtiment par le feu. Il leur répondra à chacune le double, mais vous ne savez pas. Ensuite, le deuxième enseignement qu'on tire de ces paraboles, c'est l'ignorance des mécréants. Car ils adorent ce qui ne peut ni leur nuire, ni leur être profitable, et ils ont délaissé l'adoration du Créateur, du Pourvoyeur, celui qui leur a donné la vie et celui qui leur donnera la mort. Le troisième enseignement est que peu d'actions avec sincérité est meilleure et plus profitable que beaucoup d'actions avec du shirk. Car celui qui a associé à Allah subhanahu wa ta'ala ne tirera aucun profit de ses œuvres. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans Surat Ibrahim, donc dans la parole qu'on a vue. La yaqdiruna ala shay, dhalika huwa ad-dalalul ba'id. Ils ne tireront aucun profit de ce qu'ils ont acquis. Tel est le profond égarement. Et le quatrième enseignement qu'on tire donc de ces paraboles, c'est que la foi est une condition pour l'acceptation des œuvres. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 54 de Sourate At-Tawba, Sourate le repentir, وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ceux qui empêchent leur aumône d'être acceptée et qu'ils ne croient pas en Allah et en son messager. Et c'est à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on demande le secours. Donc avec ça, on a fini l'explication de ces deux paraboles et on a, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, aussi tiré certains enseignements. Donc notre prochain rendez-vous, inshallah, c'est demain pour la suite des cours. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la sincérité dans la parole et l'action. Wallahu al-musta'an wa bihi at-tuklan. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa ant. Wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.